On va voir aujourd'hui les 5 langues de l'homme aigu. D'accord. Et le 5 langues de l'homme. Voici le temps qu'on va suivre. On va faire un petit après sur la définition des généralités. On va faire l'anatomie. Il y a plus de pathologies de 5 langues de l'homme. L'anatomie pathologique, c'est-à-dire les mises en langue de l'homme et les 5 langues de l'homme. Le pattern de l'unique avec le type de description et le syndrome de l'ol de l'avant de la chair l'enfant. Quels sont les examens complémentaires? Quelles sont les étiologies et enfin les temps premiers de l'établissement? Le syndrome de l'ol se définit comme étant un conflit. Un conflit entre deux choses, entre un contenu et un contenu. Donc, vous avez un contenant dont le volume est X. Donc, il a un volume qui ne peut pas augmenter. D'accord? Mais dont le contenu à l'intérieur est susceptible d'augmenter. Donc, c'est un conflit entre le contenu et le contenant. Donc, c'est un conflit entre un contenant non expansible et un contenu qui peut augmenter le volume. Le résultat final de ce conflit, ça sera une compression. Qu'est-ce qu'elle va donner cette compression? Une ischémie par diminution sanguine, diminution de la perfusion. Donc, dans ce cas, la nutrition des tissus contenus dans ce contenant qu'on appelle le compartiment ou la loge, elle est touchée. Cette nutrition, elle est touchée par diminution de la perfusion. Donc, le syndrome de loge, c'est le résultat d'un conflit entre un contenant peu extensible, donc le contenant dont le volume est fixe, ne peut pas augmenter, alors que le contenu qui se trouve à l'intérieur, le volume peut augmenter. D'accord? Parce que jusque-là, c'est clair. Clair ou non? Oui. Clair. D'accord. Donc, ce conflit va se manifester par une ischémie, hein, du fait de la diminution de la perfusion. Bien sûr, cette ischémie ne va toucher que le contenu de la loge. C'est-à-dire, si on parle par exemple de la loge antérieure de l'avant-bras, cette ischémie ne va toucher que le muscle de cette loge. Les autres muscles des autres loges, si ces loges ne sont pas touchées par cette compression, donc la vascularisation n'est pas perturbée. L'étiologie post-traumatique reste l'étiologie la plus fréquente. On va voir par la suite les autres étiologies aussi. Alors, quand on parle de syndrome de Wolfram, ça signifie qu'on est en phase de séquelle. Ce n'est pas la phase de début, c'est la phase de séquelle. Et le syndrome de Wolfram, c'est secondaire à une ischémie des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, c'est-à-dire les muscles. Les tisseurs du poignet et des doigts, et qui va se manifester par des rétractions, parce qu'on est en phase de séquelles, elle va se manifester par des rétractions musculaires avec des lésions nerveuses. Donc ces lésions peuvent aller de la simple anesthésie avec paralysie partielle jusqu'à la paralysie totale du membre. Pour le rappel anatomique, vous avez ce qu'on appelle les loges musculaires. Sur le schéma, on voit une coupe transversale au niveau du tiers moyen de la jambe. Donc, vous avez la coupe transversale que vous voyez par exemple. Ici, on a le tibia, on a le médial, on a la fibula, On a entre les deux la membrane interosseuse. Donc, le tibia, la membrane et la fibula, ça se constitue, si on peut dire, le plancher des loges, de chaque loge. Si on prend la loge antérieure, antéro-antérieure, et vous avez la loge par la suite antéro-latérale, et on a deux loges postérieures. Vous avez le tibia, la membrane qui est de Pironi, on a dit que c'est des structures d'eux. Donc, ils ne sont pas élastiques. Déjà, donc, ils ne sont pas extensibles. Et vous avez les aponevroses qui ont touché chaque loge. Également, les aponevroses ne sont pas extensibles. D'accord? Donc, au niveau de la membrane, on a, au niveau du tissu de la jambe, on a quatre loges. Vous avez deux loges postérieures, superficielles et profondes, et vous avez les loges antérieures et antéro-latérales. Ça, c'est les limites des loges. Vous avez donc les éléments osseux et les aponevroses, qui ne sont pas extensibles. Le contenu de ces loges est constitué principalement par les muscles, les vaisseaux et les nerfs. Donc, si on parle de syndrome de loge ou de syndrome compartimental, parce qu'on parle de compartiment ou de loge, dans des publications anglophones, vous allez retrouver beaucoup plus le compartimental. D'accord? Donc, l'ischémie qui va se manifester dans le syndrome de loge va toucher tous les éléments contenus dans la loge. Donc, aussi bien les muscles et les vaisseaux et les nerfs. Pour la physiopathologie des syndromes et de loge, le dénominateur commun, c'est l'augmentation de la pression intramusculaire ou la pression tissulaire. Donc, il va y avoir une augmentation de la pression tissulaire. Cette augmentation de la pression va faire rentrer le membre ou la loge dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui ne sera interrompu que par l'aponevrotomie. Vous avez aponevrotomie. Aponevrosa. Aponevrose et tomie. Ouverture. Donc, pour couper ce cercle vicieux, on est obligé d'ouvrir l'aponevrose. Et pour cela, le traitement du syndrome de loge en phase d'état, le seul traitement efficace, c'est l'aponevrotomie. Parce qu'en ouvrant l'aponevrose, on va donner au tissu contenu dans cette loge de l'espace. Ça, c'est un schéma qui illustre ce cercle vicieux. Vous avez une augmentation de la pression, va entraîner une baisse de la perfusion. Cette baisse de la perfusion va entraîner une ischémie. L'ischémie va engendrer un œdème cellulaire. Et c'est le syndrome. En cas d'ischémie, c'est le syndrome de loge constitué. On est déjà en phase de syndrome de loge constitué. Pour l'anatomopathologie, on va essayer de décrire les lésions qui peuvent exister. Donc, on a dit que cette ischémie va toucher les constituants ou bien les éléments contenus dans la loge. Donc, on a des lésions musculaires, des lésions nerveuses et des lésions vasculaires. Ces différentes lésions vont passer par trois stades. Vous avez la phase de début, la phase d'état, et enfin la phase de sécher. Si on veut traiter un syndrome de loge et prévenir le passage à la phase de sécher, c'est au cours des deux premières étapes, des deux premières phases, qu'il faut intervenir. Parce que passer ces deux étapes, la phase de séquelles, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, dans la phase de début, il existe un véritable infarctus musculaire, donc le muscle qui est gonflé, brunâtre. À la phase d'état, ce gonflement va être remplacé par une rétraction musculaire avec une sclérose. C'est une c'est le début de la fibrose. La phase de séquelle, donc le muscle perd son masse ménomale, il est remplacé par une masse blanchâtre, grisâtre ou jaunâtre. C'est de la fibrose. Donc le muscle perd son contractilité, mais plus contractile. C'est une corde fibreuse. Les lésions nerveuses, elles sont difficiles à mettre en évidence au début, parce que l'ischémie nerveuse, ses manifestations sont plus ou moins. Elle vient en retard par rapport aux autres lésions musculaires, par exemple. Et va passer également par trois phases. On a les stades de début, les stades de la phase d'état, et puis les phases de séquelles. Donc, dans ce cas, les lésions nerveuses, donc, les nerfs vont perdre leur aspect blanc grisâtre, puis vont passer vers un aspect gris ou jaune, et plus mince que d'habitude. Les lésions vasculaires, vous avez au début, on peut avoir un spasme, donc une vasoconstriction qui réduit le diamètre des vaisseaux, mais par la suite, la réduction du diamètre des vaisseaux est secondaire à la fibrose et non pas au spasme, à la contraction du muscle lisse de la paroi vasculaire. Jusque-là, à ce que vous avez dit, je sais. Y a-t-il une chose qui n'est pas claire? Est-ce que vous pouvez répéter les lésions vasculaires, s'il vous plaît? Les lésions vasculaires. Il faut bien mémoriser dans la tête que au cours du syndrome de l'œuf, il n'y a pas de lésions vasculaires. Et que l'existence du syndrome de l'œuf ne signifie pas que le pouls est absent. D'accord. Si, on va le voir dans l'examen clinique, s'il y a un syndrome de Loge et avec une absence de pouls, il faut beaucoup plus penser à une lésion vasculaire. Il y a une lésion vasculaire. Ce n'est pas le syndrome de Loge qui va donner la disparition du pouls. Au cours du syndrome de Loge, du fait de cette ischémie, il va y avoir une diminution du diamètre des vaisseaux. Non pas par l'ischémie, mais par spasme réflexe. D'accord. Mais par la suite, plus tard, on va retrouver toujours un aspect filiforme des vaisseaux, mais non pas par un spasme, mais beaucoup plus par la fibrose. Parce que les vaisseaux sont entourés par les muscles, et le cerveau, il va se fibroser. Il va entraîner une compression vasculaire avec une réduction du diamètre des vaisseaux. Pour le tableau clinique, il est classique, je prends comme type de description le syndrome de Wolfman chez l'enfant. D'ailleurs, c'est la forme de description pour la première fois. C'est un enfant qui présente une fracture de la l'extrémité inférieure du numérus est orthopédique. Au cours de la phase des débuts, quels sont les signes cliniques peuvent orienter vers un syndrome de Loge? C'est principalement la douleur. Cette douleur a des caractéristiques. Donc, elle est intense. Parfois à titre de broyement, parfois de brûlure, avec le malade apporte un ressort de pansement. Il sent que son membre ou la gorge touchée, elle est fondue. Avec une consistance pierreuse, du fait de l'hyperpression. Cette douleur, elle est précoce, mais parfois, elle vient après un intervalle libre. Notre caractère essentiel, elle n'est pas calmée par le changement de position. Parce que pour les défaits, par exemple en traumatologie, pour les différentes fractures au niveau des cas, toujours il y a une position antalgique. Par exemple, au niveau du fémur, en général, on trouve que le malade passe le membre en flexion de hanche ou en passion externe. Donc, tant qu'on ne bouge pas le membre, il n'y a pas de douleur. Si on essaie de bouger le membre, ça déclenche la douleur. Par contre, dans le syndrome de l'autre, il n'y a pas de position antalgique. Et cette douleur, elle n'est pas calmée par les antalgiques habituels. Donc, ça, quand vous avez une douleur comme ça, il faut penser le syndrome de l'autre. Le deuxième point, elle est majorée par l'étirement des muscles en cause, c'est-à-dire les muscles qui sont touchés. Si on prend, on a dit l'avant-bras, le syndrome de Volkmann, le syndrome de l'autre de l'avant-bras, on a dit que les muscles touchés sont les muscles de l'avant-bras. Donc si on fait l'étirement, donc le malade va se placer en position de flexion. Si on essaie de faire l'extension, soit active en demandant au patient de tendre ses doigts, ou bien passif par l'examinateur, ça entraîne une exacerbation de la douleur. Ça majore la douleur. Ça, c'est un signe important. D'accord? Après quelques heures de douleur, cette douleur, elle peut descendre. Pourquoi? Il n'y a plus de transition nerveuse. L'examen clinique, d'abord à l'inspection, vous trouvez une peau qui est rouge, elle est plus chaude par rapport à l'autre contrôle, souvent œdémaciée. Elle peut évoluer ultérieurement vers une peau marron. C'est quoi une peau marron? Froid, rigide, pâle. Froid, rigide, plus chaud. Marron, c'est coloration blanche. D'accord. Gris avec des ongles violacés. Et comment expliquer que la peau est marron? Parce qu'on a dit que l'esquimine ne va toucher que le contenu de la base. Comment expliquer que la peau devient marbrée et parfois avec l'installation de fuitage? C'est quoi une fuitage? C'est pas une infection, non? Une bouffière. D'accord, c'est des formations bulleuses qui contiennent un liquide cerveau. D'accord. Comment expliquer l'apparition de ces fuitages? De cet aspect de la peau qui est marbrée? Alors que, par définition, le syndrome de l'autre touche les muscles de la loge. Merci de réponse. Aucune tentative. Vascularisation de la peau. Elle est d'extérieur. Non, c'est pas en part. Elle n'est pas d'ailleurs. Non. On va décoller. La compression par quoi? La face interne de quoi? De la peau. De la peau. Hein? Elle va décoller la peau. Non. Hyperpression. Parce que, tout simplement, la vascularisation de la peau, c'est une vascularisation qui est en grande partie à l'est à partir des vaisseaux aponeurotiques. D'accord. Donc, ces vaisseaux, même les vaisseaux qui vascularisent la peau en majorité, c'est plus à la face profonde de l'aponeurose. Puis, il remonte en surface pour vasculariser la peau. Donc, du fait de l'hyperpression sous la polyvose, elle va comprimer les vaisseaux. Donc, c'est pour ça qu'elle entraîne une diminution de la vascularisation cutanée. La palpation, elle va retrouver une tension des loges musculaires touchées. Donc, une personne dure, douloureuse, parfois de consistance pierreuse. Le pouls est présent. Et s'il est absent, il faut suspecter une lésion vasculaire. Les signes neurologiques sont en rapport avec le nerf qui passe par la lèvre. Par exemple, au niveau du monde de l'avant-bras, les trois nerfs principaux qui passent au niveau de la face antérieure. Donc, on va y avoir la perte du nerf radial, médian et ulnaire. Par exemple, si vous avez un syndrome de loge, disons la loge postérieure, bien, de la jambe, elle va toucher principalement les nerfs qui passent par cette loge. Donc les signes neurologiques déficitaires sont en rapport avec la loge touchée et le nerf qui va passer par cette loge. Ces lésions neurologiques ou bien des signes neurologiques vont aller de la, par exemple, des signes sensitifs, de la simple paresthésie jusqu'à l'anesthésie totale. Alors, on peut avoir, par exemple, du fait de la peine du nerf radial, une paresthésie de la première commission, commission avec le 2 pouces. Et peuvent aller ces signes sensitifs jusqu'à l'anesthésie totale. Par contre, le déficit moteur également, il peut aller de la simple paralysie jusqu'à la paralysie. Ces signes neurologiques sont plus tardifs et témoignent de la souffrance, c'est sûr. Alors que la phase de séquelles, ce qu'on appelle la grippe de Wolfman, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de début, la phase de retard, d'état, les nœuds se sont rétractés, on est en phase de séquelles. Ça donne ce qu'on appelle la grippe de Wolfman. La grippe de Wolfman. Vous avez une hyperextension des métacarpophalangiens, une hyperflexion des interphalangiens, rétroflexion, abduction du pouce, avec flexion du poignet. C'est ça la grippe de Wolfman. Donc, on a dit une hyperextension des métacarpophalangiens, des abducteurs métacarpophalangiens, hyperflexion des interphalangiens, rétroflexion, abduction du pouce, et flexion du poignet. C'est ça. La grippe de Wolfman. Comment expliquer cette grippe? Elle est secondaire à quoi? Le cœur est secondaire à ce nombre de loge des muscles de l'avant-bras. Mais pourquoi au niveau de l'avant-bras, le skinny va toucher essentiellement la loge antérieure? Parce que, en général, quand on parle de syndrome de loge au niveau de l'avant-bras, elle touche essentiellement les muscles fléchisseurs. Parce que c'est les muscles les plus sensibles à l'ischémie. Et parce que, essentiellement, il y a beaucoup de masse musculaire au niveau de la loge antérieure par rapport à la loge postérieure. Comment expliquer la griffe des doigts, l'hyperextension des métacarpophalangiens, la flexion du poignet. L'action des extensions. Ce n'est pas l'action des extensions, l'extension de temps. Normalement, l'action des extensions, on a une extension. Est-ce qu'on a dit que les lésions, les séquelles au niveau du muscle, la phase de séquelles, la sclérose, la fibrose et la rétraction. Donc, la longueur des muscles est diminuée. D'accord. Parce que pour faire ça, comme ça par exemple, une hyperextension, il faut que le muscle soit tiré, ça coûte de mobilité importante. Mais quand il est rétracté, donc sa longueur est diminuée. Ça va donner ça. Avec flexion du poignet. D'accord. La longueur du bien mieux, ça donne une réflexion. Mais comment expliquer l'hyperextension de l'épicapo par l'angle? Parce que normalement, on a une rétraction, ça ne sert pas à tout. Pourquoi on a ça? Parce que tout simplement, le syndrome de Loge de l'avant-bras s'accompagne toujours vers le syndrome de Loge au niveau de la main. Et au niveau de la main, la mobilité des articulations métacarpo-phalangiennes, elle n'est pas sur la dépendance des tendons fixateurs. Les tendons fixateurs agissent sur la mobilité interphalangienne. Donc, le muscle fixateur profond, il fait la flexion de la troisième phalange sur la deuxième, comme ça. Et le fléchisseur superficiel, il fait son action, va fléchir la deuxième phalange sur la première. Par contre, l'articulation métacarpophalangienne, ce n'est pas le fléchisseur. C'est les muscles lombricaux et les interosseux. Au niveau de la main. L'ischémie de ces muscles lombricaux de rétraction va donner, l'interosseur va donner une hyperextension de la métacarpo phalange. D'accord. Et les lombricaux. On va voir si vous avez bien compris ou non. J'ai ça, ma liste de votre main. Quel serait. Les mouvements ou bien les mobilités que je peux avoir si j'essaie de faire une extension du poignet. J'ai ça là, oui. Si j'essaie de tendre le poignet, comment vont se comporter les autres articulations? J'ai comme ça, j'essaie de faire l'extension. Est-ce que j'aurai une extension du doigt? Est-ce que j'aurai une majoration de la flexion? Reste stable. Comment ça reste stable? Bon, je peux l'avoir comme ça. Majoration de la flexion des interphalanges. Pourquoi? D'accord, parce que la rétraction, pour que j'aurai plus de mobilité au niveau du poignet, donc. Il faut la flexion des interphalanges, plus de flexion. Et si j'essaye de flécher plus le poignet, j'ai comme ça par exemple. Extension. Donc, si je fléchis plus, je peux avoir une extension des poignets. Du fait de la longueur des fléchissants. Les examens complémentaires. Il faut savoir que le diagnostic du syndrome de Loge est tout d'abord clinique. Il y a deux examens complémentaires qui peuvent aider, essentiellement la mesure de la pression intermusculaire, qui peut aider au diagnostic, surtout dans les cas litigieux. C'est quoi ces cas litigieux? Ça, c'est la façon de mesurer la pression. Malheureusement, on n'a pas toujours de moyens pour le système de mesure. Cette mesure de pression, elle est utile pour dans quel cas? C'est beaucoup plus chez, par exemple, les malades comateux. Un malade comateux, je ne sais pas est-ce qu'il a mal ou non. D'accord? Dans certaines situations, surtout les malades comateux, les tensions. Par exemple, pourquoi on nécessite des malades comateux? Ou bien les têtes, par exemple, les malades tétraplégiques paralysés. Parce que chez les malades comateux, premièrement, on ne peut pas savoir quels sont les signes fonctionnels. Est-ce que le malade a mal ou non? Est-ce que... Ensuite, Je ne sais pas si vous l'avez constaté, si un malade alité, il va y avoir par exemple le malade alité qui ne marche pas, il ne bouge pas. Au niveau des membres inférieurs, il va y avoir un myotrophie. Un œdème. D'accord. Vous voyez, par exemple, qu'il est traumatisé par la schiste, tétraplégique, parce qu'ils n'ont pas de contraction musculaire, des œdèmes des membres inférieurs. Parce que la contraction musculaire va aider le retour veineux, à chasser le sang des veines. Donc, s'il y a un malade traumateux qui ne bouge pas, il va y avoir de l'œdème. Ça sera difficile de faire la part entre l'œdème et un syndrome de l'œdème authentique. C'est pour ça que c'est intéressant de faire la mesure de la pression. Les autres examens, c'est beaucoup plus en cas de coup à venir. Dans ce cas, c'est l'imagerie vasculaire, de préférence par une OGPRN, ou à défaut, s'il n'y a pas de OGPRN, par une artériographe. Mais ces examens ne doivent pas faire perdre du temps et retarder la prise en charge. Parce qu'une ischémie au-delà de 6 heures, c'est pas difficile. D'accord. Si on doit attendre un examen, il va faire retarder la prise en charge, il ne faut pas. Arrivons aux étiologies. Quelles sont les étiologies qui peuvent engendrer, bien causer le syndrome de Loesch? Et du fait qu'on a une équation à deux inconnues. On a le contenant et on a le contenu. Donc, il y a des causes qui peuvent agir sur l'un ou l'autre, ou bien les deux. Donc, on peut avoir une diminution du volume de la loge, une augmentation du volume du contenu, ou bien les deux. Les causes qui diminuent la taille du compartiment ou de la loge. On a des causes d'origine extrinsèque, et en général, c'est des causes iatrogènes. Vous avez les pansements complétifs, les plaques cérébrales. C'est les étiologies les plus fréquentes. D'accord? Et dans ce cas, c'est à ce moment qu'il faut intervenir. Enlever, on met tout pansement ou plaque qui est serré. Parce que ça peut poser des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la nécrose, pas seulement l'ischémie de la loge, mais parfois l'ischémie du membre. Moi, je me rappelle bien d'un. Ça me reste dans la tête. Au plus d'une heure, on a reçu un nourrissant. Il était hospitalisé pour une souffrance néonatale. Ils l'ont ramené avec un membre nécrosé. Ça a dépassé. Parce que, tout près, ils avaient besoin de faire de bilan biologique. Et au moment du prélèvement, l'infirmière a oublié le garrot. Elle a mis un garrot pour prélever le sang, elle l'a oublié. J'ai couvert vers 4 heures par la suite. C'était trop tard. Et c'est un nourrisson qui a fini par une complication du bras, au niveau du bras. Donc, deuxième technologie, c'est les causes du vent, c'est les causes intrinsèques, cutanées ou bien aponeurotiques. En premier lieu, les brûlures épandues et profondes. Surtout si elles sont circonférentielles. Parce que la brûlure cutanée va engendrer des couches escarpées dures. Il va donner une sorte de garrot. En plus, au cours des brûlures, vous avez la réaction œdémateuse qui va augmenter également la pression. Donc, l'augmentation de la pression, elle est à double composante, secondaire à la brûlure et du fait de la compression. Et dans ce cas, le risque de syndrome de Loesch est très important. Pour cette raison, au cours des brûlures épandues des membres, surtout des brûlures circonférentielles, On ne doit pas attendre l'installation du Saint-Domingue. D'emblée, on fait une aponibrotomie. On appelle une aponibrotomie de principe. Parce qu'on est sûr qu'il va y avoir une ischémie par un syndrome de l'œil. Si vous avez les qualités qu'on reçoit au cours des gardes, des brûlures, par exemple, des brûlures électriques surtout, avec des brûlures des quatre membres, on fait des aponibrotomies au niveau des quatre membres. On ne va pas attendre l'installation du syndrome de l'œil, parce qu'au plus, des lésions engendrées par les brûlures, des lésions musculaires et des cutanées, si on aura plus des lésions du fait du syndrome de l'œil, en général, le nombre est parti. La deuxième cause d'origine intrinsèque, c'est les fermetures des brèches aponeurotiques. Il y a certains patients ou certains qui ont des brèches au niveau des aponeurotiques. Donc, petite brèche au niveau de la polygose. Dans ce cas, dans ces conditions, les muscles sont habitués à un volume plus important que le volume normal. Quand on essaie de fermer ces brèches à polygotique, on aura, on risque d'avoir un syndrome de l'œil. Parce que ces brèches, ça constitue une véritable soupape de cette unité. L'autre cause, bon, c'est le syndrome chronique d'hyperétruisation musculaire. Ça, ce n'est pas un syndrome de loge aigu, mais beaucoup plus chronique. On les retrouve sur les athlètes de haut niveau, par une hyperutilisation du membre, surtout ceux qui font la marche, avec une hypertrophie musculaire. Donc, du fait de cette hyperutilisation, on peut avoir un syndrome de loge chronique. Monsieur, les brèches aponeurotiques, on doit les refermer? Il ne faut pas. Elles sont dues à quoi? Je ne sais pas. Parfois, c'est traumatique, parfois, du fait d'une déficience anatomique, constitutionnelle. Il ne faut pas les fermer. Parce que. Elles ne vont pas se cicatriser. Il n'y a pas de complications. En général, non. C'est pour ça, par exemple, lors de traumatologie, lorsqu'on opère certains fractures, par exemple, au niveau de l'avant-bras ou bien de la jambe, c'est le siège le plus important qui est touché par le syndrome de l'os, il ne faut pas fermer la polygose. Par exemple, une fracture de deux os de l'avant-bras, on va fermer, on va ouvrir, on va mettre une plaque au niveau du radius, une plaque au niveau du tibicus, on ne ferme pas la polygose. On fait directement la suture des tissus subcutanés et la peau. Parce qu'en plus de l'œdème de la fracture, il va y avoir de l'hématome, il va y avoir le matériel osseo-squelettique, c'est le volume qu'on a ajouté, parce qu'une plaque avec des vis, ça va prendre un certain volume. Donc, il y a une augmentation du volume de la lobe. Si on essaie de fermer la pompe, on est sûr d'avoir un syndrome de l'autre. Si on fait par exemple une fermeture hermétique avec un sujet, le syndrome de l'autre est sûr, c'est certain. En général, on ne peut pas s'intéresser. Les causes qui augmentent le contenu de la lèvre. Elles peuvent être par une surcharge de l'hémisphère, une infiltration hémorragique du sein du membre, association des deux. Ce sont des causes qui sont très fraîches, mais la traumatologie reste l'étiologie la plus fréquente. Vous avez des traumatismes fractures, c'est-à-dire qu'on dit bien des fractures. Et toute la fracture peuvent se compliquer un syndrome de l'oreille. De la fracture en manche de verre jusqu'à la fracture ouverte très déplacée. Ce n'est pas seulement les fractures déplacées qui peuvent engendrer un syndrome de l'oreille. D'accord. La villosité Lorsqu'on parle de trafic très déplacé, ça témoigne de la vivacité du traumatisme. Le traumatisme, il est à haute énergie. Le risque du syndrome de Loge, il est très important, mais ça n'élimine pas le risque du syndrome de Loge au cours des fractures simples. Parce que parfois, on a des fractures simples qui ne demandent rien. S'il y a une mauvaise prise en charge, ou bien s'il y a des manipulations incompréhensibles, ça risque d'engendrer un syndrome de Loge. Et dans ce cas, l'exemple type, c'est les manipulations qui sont faites par les charlatans et les, ce qu'on appelle les raboteurs, leur baptême. Parce que ceux qui font le traitement traditionnel, c'est bien, c'est bien. Parce que, une fois, ça peut exister, mais dans beaucoup de cas, ça engendre des gros problèmes. Également, les traitements, ce n'est pas seulement le traitement orthopédique qui peut engendrer un syndrome de Loge. Même un traitement chirurgical peut engendrer un syndrome de Loge. Les autres causes traumatiques, ce n'est pas seulement les fractures, parce qu'on peut avoir des contusions sans fractures, donc des lésions des parties mortes sans fractures. On a également les rictures musculaires, parce qu'un muscle, à une rupture musculaire, ça engendre un saignement. Et ça risque de donner un syndrome de Loge. Si on prend certaines fractures, surtout les fractures diaphysaires, ça saigne beaucoup. Parce que par exemple, une fracture de la diaphyse fémorale, chez un adulte, elle est très hémorragique. Ça peut donner un hématome de 1 à 1 millimètre. Les pathologies vasculaires également sont des causes pourvoyeuses de syndrome de Loge. Et dans ce cas, l'exemple type, c'est les lésions vasculaires, les lésions artérielles. Vous avez une plaie artérielle. Après la réparation de ces lésions, il va y avoir ce qu'on appelle un syndrome de revascularisation. Il va donner un œdème à la suite. D'accord. C'est pour cela, s'il y a un syndrome, une rupture vasculaire réparée, il faut faire une aponeurectomie en aval. Une aponeurectomie de principe. Si on a une plaie de l'artère, par exemple, l'artère humérale, on va réparer la lésion de l'artère humérale, et on ne va pas attendre la suite. On va faire d'emblée une aponeurectomie au niveau de l'avant-bras. Parce que ça va donner ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation. Du fait d'avoir du disque musculaire, donc il va y avoir un œdème, il va y avoir un ralentissement de la vascularisation, et ça engendre une hyperpression. Les gestes de chirurgie orthopédique, regardez. Aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et dans ce cas, aussi bien que le geste soit sur l'os, par exemple des osteotomies, si on trouve par exemple l'os qui pose certaines déformations, des gestes sur les parties mortes et même des gestes d'arthroscopie. Les compressions prolongées, dans ce cas, ça s'appelle le syndrome d'écrasement, le fait d'une compression prolongée, et dans ce cas de syndrome d'écrasement, ça risque d'engendrer un syndrome de Loge et ça risque d'engendrer une acidose. Non pas une acidose, mais une insuffisance rénale par les enzymes musculaires, par l'abdominolyse. On peut avoir une compression prolongée. Qu'on appelle l'hypotoxique à l'occasion d'un coma. Parce qu'un noir comateux qui est placé dans une mauvaise position, il ne va pas bouger. D'accord? Moi, j'en ai vu un malade victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il était deux mains. Un est décédé, l'autre retrouvé à 24 heures par la suite. en position, il était en déquilibre sur l'entrave avec l'avant-bras sur le thorax. Le fait qu'il n'a pas bougé, il a développé un syndrome de l'autre au niveau de l'avant-bras. Le fait de la mauvaise position. On a des causes iatrogènes. Quand on parle d'iatrogène, ce n'est pas un corps médical, c'est beaucoup plus lors des gestes de chirurgie. Aussi bien un chirurgien orthopédique que d'autres. Parce que ces syndromes de l'autre peuvent toucher aussi bien le membre malade que le membre sain. Parce que par exemple, en orthopédie, si on veut opérer certaines fractures, il y a ce qu'on appelle la table orthopédique. Par exemple, une fracture de figure, on va placer le malade sur cette table qui va permettre de faire une traction sur le membre. Si l'autre membre est placé en mauvaise position, on risque d'avoir un syndrome de l'autre. C'est également le cas en cas de chirurgie gynécologique, de urologie, de chirurgie digestive, surtout en proctologie. Ça peut, si le membre est placé en mauvaise position, et pas voulu de l'installation de l'œdème, et si l'intervention tarde, on risque d'avoir un syndrome de l'autre. Il existe également ce qu'on appelle les accidents avec les pantalons en t-shirt. Ou bien des garrots, lors de gestes chirurgicales, un garrot qui est trop longtemps gonflé. Parce que par exemple, lors de certains gestes de chirurgie, pour éviter le saignement et afin de bien voir et opérer sur un champ opératoire exsangue, on met ce qu'on appelle le garrot. Un garrot pneumatique qu'on va gonfler, ça ressemble à un brassage de tensionnel, avec des pressions. Il y a des limites de pression et des limites de temps. Par exemple, au niveau du membre supérieur, c'est maximum 1h30. Au niveau du membre inférieur, c'est 2h. Si on arrive à cette limite, on est obligé, et on n'a pas terminé l'intervention, on est obligé de faire un pansement compressif, de relâcher le garrot, et de le regonfler après 10 à 15 minutes par la suite. Si ce garrot est laissé trop longtemps plus que le fil de pompe, on risque d'avoir un syndrome de l'autre. C'est quoi un pantalon anti-choc? Est-ce que vous le connaissez ou non? Non. Ces pantalons anti-choc, donc vous connaissez si le malade fait un choc hypovolémique. Il faut privilégier les organes de l'autre. D'accord? Qui sont? Le foie. C'est les organes. Dans ce cas, si on n'arrive pas à contrôler la pression artérielle, il y a ce qu'on appelle des pantalons anti-choc. Ça ressemble à un pantalon. C'est des pantalons gonflables qui servent donc de transport des malades. Donc, il y a des seuils de gonflement. Au niveau, par exemple, de la jambe, telle pression, du cuir. Si ces pantalons sont trop gonflés, ils sont trop laissés trop longtemps, on risque d'avoir un syndrome de tout simplement. Ça ressemble au garrot pneumatique lors de la chirurgie. Récapitulant un peu, vous avez le cercle vicieux avec les différentes causes qui peuvent engendrer un syndrome de l'œil. Vous avez les élapants fracturaires, les plates serrées, les pansements et les points qui vont ouvrir. Ça entraîne une augmentation de la pression intra-tessulaire. Les lésions artérielles et les garrots vont entraîner une diminution de la perfusion tessulaire. Et vous avez les hématomes et les accidents aux anticoagulants. Ça, on l'a oublié, c'est les accidents aux antivitamines. Parce qu'un malade qui est sous anticoagulant, il risque de faire des hémorragies, soit spontanées ou bien des traumatismes mineurs, des chocs qui peuvent venir. On a également des accidents, ça peut survenir chez les hémophiles. Ou bien, l'autre cause, c'est ce qu'on appelle des perfusions. Ah, ok, c'est quoi une perfusion à cause? Côté de l'eau. En dehors du vaisseau. C'est tout simplement soit une mauvaise installation d'emblée de là-bas, donc au lieu de le mettre à l'intérieur de la veine, il est directement, ou bien à un déplacement secondaire de sa table. Donc, à la place de passer, par exemple, 250 cc, 250 cc de sérum en intravasculaire, elles vont passer à l'intérieur de la veine. Les formes cliniques, vous avez le syndrome de Loge au niveau de la voix, surtout les loges postérieures, c'est la forme la plus fréquente également. Par contre, les autres syndromes de Loge sont moins rares, beaucoup plus rares. Vous avez le syndrome de Loge au niveau du bras et au niveau de la cuisse. Le traitement du syndrome de Loge. Le traitement est surtout très rentré. Parce que si on est bien, on n'est pas bien vigilant, on ne fait pas attention, on risque de passer à côté et notre prise en charge ne va pas apporter grand chose au malade. C'est pour ça, c'est l'intérêt de ce cours. C'est pour faire un diagnostic précoce. Surtout à la phase de début, avant le passage à la phase bêta et la phase de CPR. Cette prévention passera par la formation et la sensibilisation, aussi bien du personnel médical que paramédical, par la surveillance particulière de tout blessé, plâtré ou même tracté, parce qu'on peut avoir même le syndrome de Loge chez les malades sous traction osseuse, tension osseuse, d'accord, ou même chez l'enfant qui sont sous traction collée. Chez l'enfant, on ne fait pas de traction à travers des broches ou bien on fait des tractions par l'arthroplaste. Il risque d'avoir un syndrome de Loge également. Et en cas de doute, il faut enlever, il faut faire l'ablation de la cause, ou bien de la compression, par le bandage, par le plâtre, parce qu'il vaut mieux enlever par exemple un plâtre qui paraît trop serré. Même si la fracture se déplace secondairement, on sera obligé de le prendre à la réduction, que de laisser le syndrome de Loge s'installer, parce que un membre avec un syndrome de Loge, à face de séquelles, ça ne sert pas beaucoup à grand chose. D'accord. L'autre point, c'est la prise en compte d'une doléance du patient qui se plaint de douleur. Et surtout, chez l'enfant. Parce que, en général, une fracture diégétique, la douleur va progressivement descendre. Si cette douleur persiste, ou bien elle va augmenter d'intensité, il faut suspecter le syndrome de Loge. Parce que un enfant ne signe pas. Il ne va pas mentir j'ai mal du mal alors qu'il n'a pas mal. D'accord. Monsieur. Oui. Quel est le délai d'apparition du syndrome de Loge? Quel est le délai d'apparition? Par rapport à quoi? J'ai un souvenir de. À partir de quel moment on peut avoir un syndrome de Loge? À partir de quel moment? Ça dépend de combien, par exemple, le plat. Tu peux avoir un syndrome début d'installation dès la réalisation du plat. Si le plat est bien serré. Ou bien, par exemple, ça dépend. Même si le plat n'est pas très bien serré, si le membre est installé en mauvaise position, il ne favorise pas le courrier. On risque d'avoir un syndrome de Loge. Par exemple, un malade qui est plaqué pour une fracture de l'avant-bras ou du poignet, et le membre est installé en... comme ça. Dans cette position, tu vas avoir par la suite, on va avoir un œdème de la main et même de l'avant-bras. Des conditions qui ne favorisent pas le retour des mains. Qui passe à la chronicité. Quoi? C'est un de Loge qui passe à Et si ce muscle est défaillant, parfois on peut faire certains, ce qu'on appelle des transferts musculaires. C'est quoi un transfert musculaire? Et ben,